voulais la preuve. Donc mon âme a témoigné. Maintenant tu peux la prouver que j'ai jamais triché. Sur ces mille et une choses que j'ai faites, tu te rappelles de celles qu'il te manquait. Tu veux le salaire d'Izou, Jacques, Miss Loulou. Alors je veux qu'on vive dans la rue de la paix. J'ai mis du caviar dans ton assiette, t'en as oublié les cailloux de la veille. J'aurais braqué le ciel pour que tu nargues la terre, mais t'as pas su apprécier ce que ça valait. Bébé, maintenant t'es mal, je suis désolé, je peux plus rien faire pour toi. J'ai dit bébé, maintenant t'es mal, t'as passé ton tour et c'est rien pour toi. Pour toi tous les jours je trime, je t'ai donné mon amour sans regarder le prix. J'ai dit merci comme ça. Chez les miens j'ai fait le tri, jamais te faire de mal me serait venu à l'esprit. J'ai dit merci comme ça. Toi tu dis merci comme ça. J'ai dit merci comme ça. Tu dis merci comme ça. J'ai dit merci. T'emmener au Phuket. Ok, je suis blindé, mais le prix de la dot, c'est du racket. C'est pas l'anneau qui effacera tous nos soucis. Mon gamin s'est rayé et mon cœur aussi. Maintenant que j'y pense, j'en fais des nuits blanches. J'ai fait mille choses pour toi, mille et une reproches. Je connaissais les anges, j'ai senti le danger. Et maintenant, tu te retrouves dans la tourmente. Bébé, maintenant t'es mal. Je suis désolé, je peux plus rien faire pour toi. Maintenant t'es mal, t'as passé ton tour, ici y'a rien pour toi. Pour toi tous les jours je trime, j't'ai donné mon amour sans regarder le prix. J'ai dit merci comme ça. Chez les miens j'ai fait le tri, jamais te faire de mal me serait venu à l'esprit. J'ai dit merci comme ça. Toi tu dis merci comme ça. J'ai dit merci comme ça. Tu dis merci comme ça. J'ai dit merci comme ça. Ah, tu dis merci comme ça. J'ai dit merci comme ça. Tu dis merci. Yo bro, je t'ai déjà dit, quand le respect n'est plus servi sur table, il faut la quitter. C'est Singila, parole du docteur Love.